Mungere. Albert Ndouaïa sur la mise en onde. Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Signature ce samedi d'un engagement commun de réconciliation entre leur représentation du parti Sawanya Frodebou et un groupe de militants de ce parti qui avait viré vers le Frodebou Nyakouli. Mais il ne s'agit pas d'une réconciliation avec ce parti, nous dira Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebou. Et la province de Boubanza fait face à un mauvais comportement où les parents, père ou mère, ou les deux abandonnent leur famille. Et le gouverneur de cette province met en garde ceux qui seront attrapés. Et le responsable de l'hygiène dans la ville de Ngozi demande aux propriétaires de restaurants de créer des puisards pour stocker les eaux usées pour le bien-être des sources d'eau qui alimentent cette ville. Et après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, c'est ce samedi que le parti Sawanya Frodebou a officiellement signé un engagement commun de réconciliation avec un groupe d'anciens membres de ce parti qui avait viré vers le parti Frodebou Nyakouli. Ce groupe était représenté par Honorable Norbert Ndiro Kugayo. Dans une conférence de presse, le président du parti Sawanya Frodebou, Pierre Claver Nahimana, a précisé que ce n'est pas une réconciliation avec le parti Frodebou Nyakouli. Je vous prie de le suivre. Nous soutenons Honorable Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebou d'une part, et Honorable Norbert Ndiro Kugayo, représentant le groupe des anciens membres du parti Frodebou Nyakouli et Adil Diandadaye, d'autre part, considérant l'héritage de démocratie nous légué par le fondateur du parti Sawanya Frodebou et héros national de la démocratie au Burundi, son Excellence Ndadaye Melchior, considérant notre volonté commune de défendre et perpétuer cet héritage à travers le parti Sawanya Frodebou, prenant en compte les nombreuses sollicitations de nos militants ainsi que tous les amis de la démocratie au Burundi, décidés à construire un Burundi démocratique, digne et prospère, déclarons ensemble et publiquement ce qui suit. Le groupe des anciens membres du parti Sawanya Frodebou Nyakouli, Iragi Diandadaye, décide dès ce jour de rejoindre librement leur parti d'origine, le parti Sawanya Frodebou, et en devenir ses membres. Le parti Sawanya Frodebou décide d'accueillir dans ses rangs le groupe des anciens membres du parti Sawanya Frodebou Nyakouli, Iragi Diandadaye, qui l'ont sollicité, consacrant ainsi la réconciliation nécessaire. Le processus d'intégration des leaders du groupe des anciens membres du parti Sawanya Frodebou Nyakouli dans les organes du parti va être engagé incessamment et progressivement. Nous lançons ensemble un appel vibrant à tous les anciens membres du parti Sawanya Frodebou, n'importe où ils se trouvent, ainsi que tous ceux qui aspirent au renforcement de la démocratie au Burundi, de rejoindre le parti Sawanya Frodebou afin de perpétuer l'héritage de son Excellence Ndadaye Melchior. Ce n'est pas une réconciliation entre le parti Sawanya Frodebou et le parti Sawanya Frodebou Nyakouli. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un groupe de militants qui sont dans le Frodebou Nyakouli qui disent « Nous nous retournons chez nous ». C'était Pierre Claver Nahimana, il est le président du parti Sawanya Frodebou. Et le conseil des ministres qui s'est réuni au cours de la semaine a analysé et adopté le mémorandum d'entente entre la République du Burundi et une société nommée Mango Tree relatif à la promotion du transport lacustre sur le lac Tanganyika. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Naugwamiye, a indiqué que le transport sur le lac Tanganyika va permettre le désenclavement du Burundi. Je vous prie de suivre Prosper Naugwamiye. Ce projet a été présenté par le ministre des Transports, des Travaux publics, de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire. Le lac Tanganyika constitue une infrastructure de désenclavement et de transport qui relie le Burundi à la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Le Burundi a un besoin urgent de navires pouvant assurer le transport de marchandises et de personnes à travers les ports de ces trois pays. C'est pour répondre à ce besoin que la société Mango Tree Group s'est proposée pour promouvoir le transport lacustre sur le lac Tanganyika par la construction d'un bateau mixte de transport de cargo et de passagers à destination ou en provenance de ces différents ports. C'est l'objet de ce projet de mémorandum. Il convient de souligner que le Conseil des ministres avait analysé ce dossier et l'avait retourné pour être retravaillé. Après analyse du projet retravaillé, le Conseil des ministres l'a adopté moyennant de légères corrections. C'était Prosper Nahogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Et les contribuables viennent à compte-gouttes aux sites implantés par l'Office burundais des recettes OBA dans différents endroits de la mairie de Bujumbura pour collecter l'impôt locatif sur les sites que la Radio Sanganiro a visité ce vendredi. Les contribuables rencontrés sur place apprécient favorablement cette décentralisation et demandent à l'OBA d'augmenter les heures de service. Le point avec Moïse Misako. Dans ces différents sites de réception de déclarations mises en place par l'OBR dans la commune Nahangwa, les contribuables viennent à compte-gouttes. Toutefois, les contribuables rencontrés apprécient le service qui leur est proche. Les agents de l'Office burundais de recettes OBR font savoir qu'au début, ces contribuables étaient nombreux. Celui-ci, nous l'avons rencontré à Kamenge où se trouve l'un de ces sites. Il apprécie favorablement. Nous apprécions bien l'OBR parce qu'il nous a fait ce qu'on appelait la descente. Centralisation de leurs services, pour nous vraiment c'est bon. J'avais le programme d'aller à Kigobe, à l'Emmaüs, mais je l'ai trouvé ici, c'est bon. Même chose pour ce contribuable rencontré en Gagara qui venait déclarer l'impôt de la Sokabu. Du moins je trouve que c'est très bien au MAC directement. Il n'y a pas même une minute au MAC. On a vérifié si j'ai très bien fait les calculs. Je vais revenir, après ils vont signer. Même s'il apprécie, il demande à l'Office burundais de recettes OBR d'augmenter les heures de travail. Je trouve qu'il faut quand même rectifier quelque chose ou augmenter quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il faut augmenter les heures de service. À midi, il ne faut pas fermer à midi. Les week-ends, il ne faut pas fermer à week-end. Pourquoi pas même travailler jusqu'à 6h, même voire 18h, voire même 20h de la soirée? Nous avons la sécurité. Nous avons ceux qui sont chargés de la sécurité. Il faut qu'on les sécurise. Et puis, il faut que ceux qui veulent payer les impôts trouvent les portes ouvertes. Ces sites servent de réception de déclarations du 1er au 30 mars. Courants. Ils sont implantés dans les trois communes de la mairie de Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal à 18h08, dans les studios de la radio Isanganiro, on se rend dans la province de Bubanza, où ils ont remarqué ces derniers jours un comportement des parents qui abandonnent leur famille, un homme ou une femme ou encore les deux, à la fois quitte le ménage et laisse seuls les enfants. Des informations confirmées également par les administratifs à la base. Et le gouverneur de Bubanza déplore les faits et précise que ceux qui seront attrapés seront sanctionnés conformément à la loi et que des stratégies ont été envisagées pour couper court à ce mauvais comportement. Spes Caritas Kabanyana depuis Bubanza, correspondance. Menedor Ndayisenga est une femme de la colline Buringa en commune Gihanga. Elle vient de passer une année sans savoir où est parti son mari, mais elle a dernièrement eu une information lui disant que cet homme s'est remarié en République démocratique du Congo. Cette femme, Ndayisenga Menedor, est l'une parmi beaucoup d'autres femmes qui se lamentent et qui sont confrontées à la pauvreté après le départ de leur mari vers des destinations inconnues sur la colline Gahwazi de la commune. Manda. 4 cas d'abandon de famille ont été relevés le mois dernier, 3 hommes et une femme selon l'administration locale. Le gouverneur de la province de Bubanza déplore les faits et regrette qu'actuellement même les femmes ont commencé cette mauvaise pratique. Dans la commune de Manda, on a déjà enregistré quelques 4 abandons, mais le problème est que dorénavant c'était les hommes, mais maintenant on a entendu que dans une certaine famille, monsieur a abandonné sa famille, la femme a par la suite pris aussi la décision d'abandonner. Nous sommes en train de sensibiliser la population à laisser cette mauvaise pratique. Terence Nobisi Butoyi, gouverneur de Bubanza, parle ici des stratégies déjà arrêtées pour en finir avec ce comportement. Si on voit un homme ou une femme dans cette localité, dans notre commune, il faudrait que les chefs locaux puissent demander la provenance de la personne en question et poursuivre si là où il vient, il n'y avait pas de sa famille. Et de cette manière, on pourrait empêcher qu'il y ait encore d'autres remariages, ce qui nous conduirait à diminuer les enfants de la rue qu'on peut observer ici et là. Le gouverneur de Bubanza dit également que ceux qui seront attrapés après avoir abandonné leur famille seront sanctionnés conformément à la loi. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space de la province de Bubanza. Nous rendons dans la province de Ngozi où les sources d'eau alimentant la ville de Ngozi continuent à être polluées par des déchets issus des restaurants de la prison pour hommes de Ngozi. Le chargé de la promotion de l'hygiène et assainissement, Désiré Ndaïsaba, appelle les tenanciers de ces restaurants et les responsables de cette maison de détention à creuser des puisards pour contenir ces eaux usées qui polluent l'environnement. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Parmi la population qui grogne figure celle du quartier Mulemera, à l'endroit communément appelé la ferme, ainsi que les habitants du quartier Kinyami en bas de la prison pour hommes d'Ongoz. Ces habitants de Mulemera pointent du doigt les tenants des hôtels et restaurants qui versent des eaux usées issues de la cuisine dans une rigole qui achemine ses déchets jusqu'au marais d'Osamutuku où se trouve une source d'eau utilisée par la population urbaine d'Ongoz. Ceux de Kinyami disent être menacés par des déchets issus de cette maison de détention qui dégage une odeur nauséabonde. Ces déchets trouvent destination dans la plaine de Viegua qui abrite aussi des sources d'eau. La population de cette localité crée des maladies des mains sales à cause de la présence de ces déchets et demande par conséquent une solution d'urgence. Le chargé d'hygiène et assainissement en province Ngozi exige aux hôteliers et patrons de restaurants la création de puisards à l'intérieur de leur clôture pour accueillir ces eaux usées, sinon, prévient-il, des sanctions sont envisageables. Et aux responsables de la prison pour hommes d'Ongozi, Désiré Ndaïsaba conseille l'utilisation des prisonniers pour creuser des fosses septiques et de les protéger par des arbres en attendant une solution définitive de la part de la Direction générale des affaires pénitentiaires. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara pour boucler les boucles de ce journal. Nous nous rendons dans la province de Gitega, capitale politique du Burundi, où les représentants de la Croix-Rouge du Madagascar sont en visite hier, vendredi. Ils étaient à Gitega, comme je le disais, selon le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Anselme Katiyunguruza. Cette société nationale malgache vient de découvrir une réalité du Burundi via la Croix-Rouge Burundi et espère qu'elle va la dupliquer chez eux. Une visite qui apporte une piste pour la restructuration de leur société, selon la secrétaire de la Croix-Rouge malgache. Le point avec Arthur Kababouch. Selon la société de la Croix-Rouge Madagascar, Andoniem Batimamanga, accompagné de la présidente de cette organisation malgache, Alissoa Khadissoa, cette visite s'inscrit dans le cadre d'un échange d'expériences. On est ici dans le cadre d'une visite d'échange avec la Croix-Rouge burundaise. Cette visite va apporter à la Croix-Rouge malgache une constitution de pistes et d'orientation pour nous, parce que nous sommes actuellement dans le cadre d'une restructuration. Comme on voit que des similarités dans les branches, c'est la construction de gros édifices. Comme source de revenus de la Croix-Rouge, c'est à considérer à Madagascar. Madame Andonien se dit frappée par la forte mobilisation de volontaires malgré la pauvreté qui les hante. Anselme Katiyunguruza, secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi, indique ici les avantages de cette visite. C'est qu'il y a une société nationale qui vient de découvrir les réalités du Burundi profond en termes de Croix-Rouge et qui est décidée à les dupliquer ce que la vu au Burundi. Donc c'est une plus-value par rapport à l'ensemble du mouvement international de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, une plus-value par rapport à la Croix-Rouge malgache, une plus-value par rapport aux plus vulnérables dans la communauté au niveau de Madagascar. Cette délégation de la Croix-Rouge malgache, accompagnée du président de la Croix-Rouge du Burundi et du secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, a pu effectuer des visites dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Muyinga, Changuzo, Ruigi, Gitega et Muramvya, où ils ont pu voir les réalisations de la Croix-Rouge du Burundi à travers les organes provinciaux de cette société nationale. Arthur Kababouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kababouchi. Ainsi, nous marquons un point final à ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle C'est ce samedi qu'a eu lieu la signature d'un engagement commun de réconciliation entre la représentation du parti Savoie Afro-Débou et un groupe de militants de ce parti qui avait viré vers le parti Afro-Débou Nyakuli, un groupe qui était représenté par l'honorable Norbert Ndihokugayo. Mais pour le président du parti Savoie Afro-Débou, Pierre Claver Nahimana, il ne s'agit pas d'une réconciliation avec le parti Afro-Débou Nyakuli. Et la province de Bubanza fait face à un mauvais comportement où les parents, père ou mère, ou les deux, abandonnent leur famille. Le gouverneur de cette province met en garde ceux qui seront attrapés. Et le responsable de l'hygiène et assainissement dans la ville de Ngozi demande aux propriétaires des restaurants de creuser des puisards pour stocker des eaux usées pour le bien-être des sources d'eau qui alimentent cette ville de Ngozi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à Albert Ndouimana qui assurait la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongele. Tout de suite, Ndioko Gaï Francine va me rejoindre pour la revue de la presse. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. L'aboutissement d'un bras de fer, titre le journal Iwachu. Dans son éditorial, cet hebdomadaire revient sur la fermeture du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, une décision devenue effective le 8 février, mais annoncée par la représentation onusienne au Burundi dans un communiqué lundi le 4 mars. Des réactions suivies. Pour Gitega, le ministre des droits de l'homme annonce que cette agence onusienne n'avait plus raison d'être. Quand elle a ouvert ses portes en 1995, le pays était à feu et à sang au plus fort de la guerre civile. Le pays maintenant est paisible, ajoutait-il, et rassure que la fermeture n'est pas synonyme de rupture. Pour ses détracteurs, c'est une façon de se débarrasser d'un témoin gênant qui tenait à dénoncer les abus du pouvoir. Iwachu espère que la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi sera réellement autonome, affranchie et surtout active pour combler le vide qu'occasionnerait cette fermeture, surtout qu'il y a souhait d'une autre forme de collaboration entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouvernement burundais. Le journal Iwachu écrit également sur la reprise des travaux de stabilisation des rives de la Nahangwa qui retiennent leur souffle. Ces travaux ont repris depuis plus d'un mois. Des infrastructures publiques, des habitations sont menacées d'effondrement. Un instituteur de l'école fondamentale du jardin public de Nyakabiga espère cette fois-ci que ces travaux vont continuer pour sauver cette école. Pour Ancile, une habitante de Nyakabiga qui craint pour la sécurité de ses enfants et de son église Pentecôte, c'est une satisfaction totale. Pour rappel, ces travaux du genre avaient commencé en 2017 côté Kigobe Sud, mais n'ont pas été achevés. Ils étaient annoncés pour 3 mois, avec un coût estimé à 4 milliards de francs burundais. Le journal La Voix de l'Enseignant écrit que les matières du fondamental ne sont pas enseignées dans le supérieur. Le constat est amer, selon ce journal. Les domaines du fondamental ne trouvent pas de correspondance dans les institutions d'enseignement supérieur, formatrices des enseignants. Le domaine des sciences et technologies est plus parlant en la matière. Il comprend 5 cours, alors qu'on ne trouve pas d'enseignant polyvalent à ces 5 cours. C'est aussi pour le domaine des arts et plastiques et éducation physique et sportive, qui comprend 4 disciplines, notamment la musique, l'éducation physique et sportive, l'art plastique, l'art dramatique et la danse. Dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de filière équivalente. Les solutions proposées sont pragmatiques, selon ce journal de l'enseignant, qui termine par un « wait and see ». Revue de la presse. Burundi continuera à faire de la femme le pilier de la paix et de développement, titre l'agence burundaise de presse ABP. Cette agence revient sur les déclarations du ministre burundais en charge des droits de l'homme à la veille de la commémoration solennelle de la Journée internationale de la femme. Martin Nivyabandi a indiqué que le Burundi va continuer à faire de la femme le pilier de la paix et du développement en appuyant sur les femmes leaders qu'il a appelées à servir de modèle. Il a invité ces dernières à jouer le rôle d'entraînement et a expliqué aux autres femmes comment elles ont surmonté les difficultés rencontrées afin que la société burundaise puisse changer. Comment investir dans la passion? Le journal Burundi Echo parle d'une jeune ingénieure agronome qui a pu développer ses talents de dessinatrice en imitant les photoportraits. Divine Nduwimana, artiste passionnée, utilise un stylo au lieu d'un crayon dans ses dessins. Une technique qui n'est pas du tout d'usage chez les autres artistes, un stylo qu'elle a commencé à utiliser quand elle était au cycle supérieur de l'enseignement secondaire. Selon toujours Burundi Echo, Divine Nduwimana a adopté cette attitude pour échapper au contrôle de son enseignant en se déguisant en élève qui prend des notes. Alors qu'elle étudiait à l'Université du Burundi dans la faculté de bio-ingénierie et n'a pas cessé de développer sa passion et a commencé à poster ses œuvres sur les réseaux sociaux. Bachelier, la jeune artiste Divine Nduwimana projette associer l'agriculture à l'horticulture en utilisant des dessins. Pour elle, il importe de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques de culture de fruits en utilisant des dessins. La jeune dessinatrice compte réaliser un centre d'art qui reflète l'image et l'histoire du Burundi. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Placide Niyomungere et Francine Ndokubgayo. À la prochaine. Revue de la presse.